les affaires à Paname. Deux, trois, cinq à Marseille. J'suis posé au Pullman. Y'a ta pute qui marcelle. Tocaref. Pour que c'est qu'on arsène. Comme Arsenal, on vire pas comme Arsène. Pas mal sur le Marcel. Eh hey merde, je voulais rester poli. Petit fils de schmette, tu veux tester Broly. Car ça kill dans Broly, t'es toi qu'à Mélodie. Tu me donnes pas d'or, je suis comme Balotelli. On t'a poussé un kill, ça fait pas nous de poteau. Ça fait pas nous de poteau. Ça fait pas nous de poteau. On t'a poussé un kill, double L sur les polos. Fais pas le fou, tu vas t'égosiller. On t'allume sans crier, poche remplie de billets. Ça va les coups de briller, ouf ta caisse vite pillée. Regard froid comme le calancier. Ça ravitaille en deux tours. Money, Night ND dans le four. Money. Tu vas dans l'autre jour, money. On fait leur salaire en deux jours, money. T'en fais jusqu'à 6h. Petit fils de pute, on a les putes dans le viseur. La bague dans le viseur, coffre à l'équipe freezer. J'suis à la Fnac, j'suis sur Deezer. Nous nous embrouillons, nous nous embrouillerons. Tu veux douiller, alors douillons. Ta mère la grosse folle, ton père le couillon. Tes meilleurs punchlines, c'est mes brouillons. Stop, on peut plus dealer tranquille. On va rafaler. 10 kills, pas qu'ils sont kills. On va rafaler. Rafaler. On peut plus dealer tranquille. On va rafaler. Tony dans la piscine. On va rafaler. Rafaler. J'ai pas fini chez Vagram. Petit fils de timbre, on t'allume pour 20 grammes. Ta pute me follow sur Twitter, s'abonne à mon Facebook, me like sur Instagram. Me like sur Instagram. Ta pute me like sur Instagram. Parle un peu les vrais armes. On va faire un clip, on va sortir les vraies armes. Un photo, quoi de neuf en Barça. Boîte auto, SS dans le classe A. On va t'esquinter, nous parle pas de rinter. T'es sur bord à Guingamp, j'suis messieurs au Barça. Tu veux piquer, on va repiquer. Tu parles de moi, j'sais pas quitter. Toi t'es faire ça, tu veux m'impliquer. Surveille ta pute, elle m'a retweeté. Si compte, car ne frappe pas toi un homme. Si tu t'en déronds, on t'allume mon magnum. Si t'es un bon, j't'ai casté dans l'album. Pourquoi t'ouvres ta gueule, t'as même fait même pas bonne. Tu veux jouer les hauts, tu veux jouer les hardcore. Nique ta grand-mère la sauve, on t'allume mon raptor. Attends, ton compte sauf, y'a personne qui est d'accord. J'me fais sucer la grosse, manie passe les rapports. Bang, bang, bang, j'ai le feu d'un bras plus. J'ai cassé ma puce. Money, Tony. T'es mort à plus. T'es qu'une poucave, tu veux plaire au juge. Petit enfant de pute, enfant de putain. On veut le butin. On fera la paix avec des armes biélorusses. Stop. On peut plus dealer tranquille. On va rafaler. 10 kills, pas qu'ils sont kills. On va rafaler. Rafaler. On peut plus dealer tranquille. On va rafaler. Tony dans la piscine. On va rafaler.